Deuxième partie, chapitre dixième de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre dixième de l'exercice du matin. Outre l'oraison mentale et la prière vocale, il y a d'autres temps et d'autres manières de prier. Et le premier exercice de tous est celui du matin, qui doit servir d'une préparation générale à toute la conduite de la journée. Voici la méthode de le bien faire. Premièrement, adorez Dieu avec une profonde vénération. Remerciez-le de vous avoir conservé durant la nuit, et si votre conscience vous reproche quelque chose depuis votre examen du soir, demandez-lui en pardon. Deuxièmement, considérez que le jour présent vous est donné pour mériter l'éternité bienheureuse et faites un ferme propos de l'employer tout entier à cette intention. Troisièmement, prévoyez les affaires dont votre prudence doit s'occuper ce jour-là, les occasions que vous y aurez de glorifier Dieu et la tentation que la colère ou la vanité ou quelque autre passion pourrait vous y faire naître. Après cette inspection, préparez-vous par une sainte résolution à bien profiter de tous les moyens que vous aurez de servir Dieu et d'avancer votre perfection. Au contraire, armez-vous de toute la fermeté de votre esprit pour éviter ou pour combattre et vaincre tout ce qui vous y fera quelque obstacle. Mais cette simple résolution ne suffit pas. Il faut la soutenir par la préparation des moyens que vous pouvez avoir de l'exécuter. Par exemple, si je prévois que je dois traiter de quelque affaire avec une personne que la colère enflamme aisément, non seulement je me précautionnerai du mieux que je pourrai pour ne pas l'offenser, mais, afin de prévenir son humeur, je préparerai les manières de parler les plus douces et les plus honnêtes. Ou bien, pour les contenir, j'engagerai quelques personnes à s'y trouver avec moi. Si je prévois que j'ai à visiter quelques malades, j'en disposerai l'heure, toutes les circonstances, les manières les plus utiles de les consoler, et les secours que je pourrai leur donner. Quatrièmement, reconnaissez devant Dieu, avec humilité, l'impuissance où vous êtes de rien faire de tout cela, soit pour pratiquer le bien, soit pour éviter le mal, et comme si vous teniez votre cœur en vos mains, offrez-le avec toutes vos bonnes résolutions à sa divine majesté, la suppliant de les prendre en sa protection et de le fortifier dans son service. Dites-lui, ô Seigneur, voilà ce pauvre et misérable cœur à qui votre bonté a fait prendre aujourd'hui tant de bonnes résolutions, mais hélas, il est trop faible et trop inconstant pour faire le bien qu'il désire, à moins que vous ne lui donniez votre sainte bénédiction. C'est à cette intention que je vous la demande, ô Père des miséricordes, par les mérites de la passion de votre Fils, à la gloire duquel je consacre cette journée et le reste de ma vie. Ajoutez à cette courte prière l'invocation de la Sainte Vierge, de votre bon ange et des saints, afin qu'ils vous aident de toute leur protection. Au reste, cet exercice que vous devez faire le matin, avant que de sortir de la chambre, si cela se peut, doit être vif et ardent, afin que la bénédiction de Dieu que vous y aurez obtenue se répande sur toute la journée. Mais je vous prie, Philothée, de ne l'omettre jamais. Fin du chapitre dixième. Deuxième partie.